La permission de se faire juger par une personne qui n'a pas le statut de juge est sur les paroles des savants en cas d'absence du juge officiel. Al-Khattabi rahmahullah a dit dans Sharh Sunan Abi Daoud, lorsqu'il expliquait le hadith de l'Imar durant le voyage, quand trois personnes partent en voyage, elles doivent désigner un émir. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela afin d'éviter toute divergence entre les voyageurs ainsi que le désaccord. Et ce hadith est une preuve pour dire que si deux personnes ont choisi une tierce personne afin de juger entre elles dans un litige et que ce juge a tranché correctement, alors son jugement est valable. Ma'alim as-Sunan, volume 2, page 260. Abu Bakr ibn al-Mundir al-Nisaburi, rahmahullah, a dit dans son livre Al-Ijma', Ijma' 254, il y a consensus des savants sur la permission qu'une personne juge sans que celle-ci ne soit juge, cependant son jugement doit être permis. La signification de sa parole, juge sans que celle-ci ne soit juge, signifie une personne qui n'a pas été nommée juge par l'État islamique. La signification de sa parole, son jugement doit être permis, veut dire que son jugement doit être dans la limite de ce qui est permis en islam. Ibn Qudama, rahmahullah, a dit dans le Mourni, si deux personnes se jugent chez quelqu'un après leur accord sur la personne qui va juger, et si cette personne est capable de juger entre les gens, alors ce jugement est valable et doit être mis en application. Ceci est l'avis d'Abu Hanifa. Cependant, Al-Shafi'i a deux avis sur ce sujet. L'un de ces deux avis ne rend pas valable un jugement pareil, car le jugement doit être basé sur l'accord des deux parties concernant la personne du juge en question. Et cet accord vient après le jugement. Abu Shuraih a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est Allah le juge, Al-Hakam. Alors pourquoi te nomme-t-on Abu al-Hakam ?» Abu Shuraih a répondu « Chaque fois qu'il y avait une divergence entre les gens de ma tribu, ils me prenaient comme juge et étaient satisfaits de mon jugement par la suite. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cela est bien. Qui est l'aîné de tes enfants ?» Abu Shuraih répondit « Shuraih ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Tu es Abu Shuraih » rapporté par An-Nasa'i. Il a été rapporté ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui juge entre deux alors qu'ils sont d'accord pour qu'ils jugent entre eux, cependant celui-ci n'est pas juste, alors il est maudit. » On tire de ce hadith que si ce jugement n'était pas valable, le juge en question n'aurait pas été blâmé. Aussi, Omar ibn Ubayd ont pris Zayd comme juge. Omar et un bédouin se sont fait juger par Shuraih avant la nomination de Shuraih au poste de juge. Uthman et Talha se sont fait juger par Jubayr ibn Mut'am. Et toutes les personnes que nous avons citées n'avaient pas le statut de juge. Voir Al-Mourni, volume 11, page 483. Al-Marwadi, rahmahullah, a dit « Et si deux personnes prennent pour juge une autre personne pour un litige, le jugement de ce dernier est valable dans le cas où il n'y a pas de juge dans la région ou même s'il n'y en est. Car Omar ibn al-Khattab et Ubayd ibn Ka'b se sont fait juger par Zayd ibn Thabit, ainsi que Ali qui a accepté de se faire juger pour Al-Imama, le statut du gouverneur général en islam. » Alors se faire juger pour ce qui est moins important que cela doit être permis. Il y a eu aussi le jugement de Abd al-Rahman ibn Auf dans Ashura, la consultation pour choisir un gouverneur après la mort de Omar. Al-Qadi Abu Ya'la al-Hanbali a dit dans Al-Ahkam al-Sultaniya, si les habitants d'une ville n'ont pas de juge, et en nomme un, car n'ayant pas d'imam, gouverneur général, alors cette nomination est valable, et le jugement de ce juge doit être mis en application. Par contre, s'il y avait eu un imam, alors cette nomination aurait été vaine. Voir Al-Ahkam al-Sultaniya, page 73. Ibn Abidin al-Hanafi a dit « En l'absence du gouverneur à cause du pouvoir des mécréants, les musulmans sont dans l'obligation de nommer un gouverneur, Wali, et un imam pour les prières du vendredi. » Il a aussi dit « Concernant les territoires qui sont gouvernés par des gouverneurs mécréants, ses habitants musulmans peuvent qu'accomplir les prières du vendredi et de l'Aïd, et le juge désigné devient officiellement juge après l'accord des musulmans concernant sa nomination. Cependant, ils doivent nommer un gouverneur wali parmi eux. Ils disent également, dans le cas de l'inexistence du sultan, gouverneur général, comme c'est le cas actuellement à Qurtuba, les musulmans doivent désigner un wali, un gouverneur, parmi eux, qui à son tour doit lui-même désigner un juge pour juger entre les musulmans, ainsi qu'un imam pour les prières du vendredi. Voir Hashiya Rad al-Muhtar al-Dur al-Muhtar, volume 4, page 307 et volume 3, page 253.